France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. L'ombre de Marx, la critique de la philosophie, l'omniprésence de Dieu et du combat, le penchant à renverser l'ordre établi, mais surtout le désir de transformer l'humanité, ce sont quelques caractéristiques de la philosophie russe, ou de ce que l'on pourrait appeler la philosophie russe. Lénine, Léon Chestov et Léon Tolstoï semblent nous les avoir révélés. Mais qu'en dit notre dernier philosophe russe, le père de l'anarchiste Mikhaïl Bakounine, qui se présentait lui-même comme Michel Bakounine. I am an antichrist. I am an anarchist. Ils sont habillés tout en noir. Des casseurs. Ils se disent militants. Anarchie sur toute la planète. Voilà ce qu'on appelle le Black Bloc. Que l'on appelle les Black Blocs. Par un black au coin d'un bloc. Par un flic très singulier. Y a-t-il parmi eux de vrais casseurs? Des casseurs. Des groupes organisés de Black Blocs ou de casseurs. D'anarchistes qui étaient là. Moroloi, vive l'anarchie. Les images des Black Blocs, les images des violences. Black. Blocs. Ces groupes radicaux composés d'anarchistes, d'extrémistes. Bonjour Jean-Christophe Angot. Bonjour. Vous êtes maître de conférences de philosophie à l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes spécialiste de Bakounine et de la philosophie allemande du 19e siècle et de l'anarchisme. Vous êtes membre aussi du comité de rédaction de la revue Réfraction, auteur d'un blog sur Bakounine. On vous doit également des traductions des textes de Bakounine, mais aussi un livre sur la liberté des peuples, Bakounine et les révolutions de 1848. Alors on a beaucoup d'idées reçues sur l'anarchisme, on l'a entendu. Hein. C'est la casse, l'opposition violente, la mordre de l'ordre et des lois. C'était notamment à l'occasion des révoltes des Black Bloc. Et est-ce que c'était ça l'anarchisme dans la tête de Bakounine? Alors, c'est toujours quelque chose d'assez curieux, cette association finalement entre anarchisme et violence. Elle a d'ailleurs beaucoup joué, cette association, y compris dans la réception de Bakounine, dont on a l'image de quelqu'un qui est une sorte de pan destructeur. C'est des choses qui ont été véhiculées dans la littérature sur Bakounine. C'est quelque chose de très étonnant. Bon, si on songe au fait que finalement, la plupart des théories politiques, notamment celles auxquelles s'opposent les anarchistes, sont en général vecteurs de beaucoup plus de violence. Simplement, c'est une violence qui est patentée, autorisée, légitimée par l'État. Et il y a quelque chose à se demander. Pourquoi est-ce que lorsque les gens font eux-mêmes éventuellement usage d'une violence qui, par exemple, dans le cas des Black Blocs, reste une violence essentiellement symbolique, hein, quand même, essentiellement dirigée contre les choses, éventuellement un affrontement, mais qui reste extrêmement mesuré avec la police. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est ça la violence, plus que par exemple l'usage de la force publique, par exemple. Mais alors, s'agissant de Bakounine, alors on pourrait aller chercher chez lui, hein, des traces de pré Black Bloc. Je pense notamment il y a un texte où il estime que en tout cas dans la théorie il va jouer les casseurs de vitres. Il y a une formule comme ça. Je casserai donc les vitres. Je ne vais pas respecter l'ordre établi. Je casserai quelques vitres. Cela étant, Bakounine s'est toujours, par exemple, opposé d'une manière assez ferme à tout ce qui était violence sur les personnes, en particulier. Hein. Il a toujours insisté sur le fait que le rôle des révolutionnaires et donc des révolutionnaires anarchistes, ça n'était absolument pas de perpétrer de la violence en particulier sur les personnes, mais de canaliser l'inévitable violence populaire qui dans les moments révolutionnaires vers la transformation des évidemment avec une dimension destructrice, mais des institutions. Et qui était Mikhaïl Bakounine, alors en fait, qui se présentait comme Michel Bakounine? C'est vous alors qui oui. m'avez dit ça oui. juste avant l'émission. Oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à le présenter toujours comme Mikhaïl Bakounine maintenant. Et c'est vrai que lui-même disait toujours Michel Bakounine. Alors parfois en italien, il se présentait comme Michele Bakounine. En allemand, il se présentait comme Michael Bakounine. C'était une période où en fait les gens traduisaient leurs prénoms en langue étrangère. D'ailleurs, quand il parle de Marx, il parle de Monsieur Charles Marx. D'ailleurs, c'est toujours assez amusant. Mais lui-même, voilà. Alors, ça tient au fait d'ailleurs que Bakounine avait une une formation essentiellement francophone. Et d'ailleurs, il était la plupart des écrits de Bakounine sont écrits en, si on met de côté la correspondance, où il y a beaucoup de textes russes, mais la plupart des écrits de Bakounine sont écrits en français. Alors c'était parce que c'est quelqu'un qui vient de l'aristocratie russe, l'aristocratie. Oui, c'était courant terrienne. D'aller faire ses humanités. Alors c'était d'aller même, c'était en même France. D'avoir en fait des précepteurs français, francophones ou françaises d'ailleurs souvent, et allemands ou allemandes. Et donc Bakounine a appris le français dès sa jeunesse. Donc quand on regarde sa correspondance par exemple avec ses sœurs, il y a un mélange d'allemand, de russe et de français hein, d'ailleurs. Donc alors c'est quelqu'un qui naît dans la Russie donc il naît en 1814 et donc il naît dans une famille plutôt de l'aristocratie russe et mais c'est quelqu'un qui va se former à la philosophie en Russie, mais d'une manière autodidacte, parce que c'est dans un cycle d'émissions sur la philosophie russe, il est sans doute intéressant de rappeler que il n'y a pas un terreau, comment dire, indigène philosophique russe, et que en grande partie la philosophie est vue en Russie comme un produit d'importation, avec en tout cas à l'époque de Bakounine une grande alternative qui est-ce que nos maîtres en matière de philosophie ce seront les Français. Alors quand on entend français à l'époque, on entend les Lumières et tout cet héritage qui a mené à la Révolution française, ou bien est-ce que ce seront les Allemands et donc toute la philosophie post-kantienne, disons, hein, de Kant à Hegel. Bon. Et Bakounine, en tout cas dans un premier temps de son itinéraire, va se passionné pour la philosophie allemande et particulièrement pour Hegel, alors sur un mode un peu curieux et un peu très autodidactique, hein, d'ailleurs, c'est parce que la philosophie n'est pas enseignée à l'époque en Russie, il n'y a pas de philosophie à l'université. Ce qui explique d'ailleurs qu'on a peut-être un peu du mal à parler cette semaine même de philosophes russes en tant que tels, à la fois par leur critique même de la philosophie, parfois même de la raison, comme c'est le cas avec Léon Chestov, mais effectivement même par leur manière de proposer une théorie. Il y a des grands courants intellectuels, hein, disons, voilà. Par exemple, il y a des grandes alternatives intellectuelles, par exemple, au 19e siècle, l'opposition entre les occidentaux et les slavophiles. Donc, mais la question, c'est donc, est-ce que il y a un terreau propre à la Russie duquel va s'élever une forme de pensée et d'organisation sociale qui soit propre à ce pays, ou bien est-ce que nécessairement le modèle doit venir de l'étranger? Alors, typiquement, quelqu'un comme Bakounine va plutôt être du côté des occidentalistes, c'est-à-dire va plutôt chercher des modèles du côté de la France ou de l'Allemagne. Mais cela dit, force est de constater que Bakounine lui-même, dans sa formation philosophique, va quitter la Russie. Hein, puisque donc à une époque qui est bien antérieure d'ailleurs à son anarchisme et bien antérieure même à sa politisation, Bakounine en 1840, donc il est âgé alors de 26 ans, en partie pour quitter un peu une atmosphère familiale qui lui paraît un peu étouffante, et le bon prétexte c'était de poursuivre sa formation philosophique, va venir en Allemagne en fait à la fin de l'année 1840, et c'est là que va s'opérer sa politisation par la fréquentation des cercles radicaux, notamment de tout cette mouvance qu'on a appelé la mouvance jeune hegelienne, qui se développe disons après 1841 en Allemagne. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il suit des cours d'Hegel. Alors pas de Hegel directement, parce que Hegel est mort en 1831, donc, mais en tout cas il suit les cours des élèves de Hegel, notamment Karl Werder, alors qui s'initie à la logique de Hegel, ce qui aura une importance assez considérable dans la suite de son itinéraire. Et puis il suit également les cours alors de celui qui a été appelé à Berlin pour contrer l'influence de Hegel, parce qu'on est dans une période de réaction philosophique et politique anti-hegelienne et anti-libérale à l'époque en Prusse, et c'est Schelling, alors qui est le dernier survivant de la grande triade de l'idéalisme allemand, hein, Fichte, Schelling, Hegel, et Schelling continue à vivre après Hegel, puisqu'il meurt dans les années 1850, et il est rappelé à Berlin en 1841 pour contrer l'influence de Hegel à l'université. Et c'est une sorte de grand événement philosophique à l'époque, hein, cette présence. Alors, vous avez 400 personnes dans un amphithéâtre, vous avez Kierkegaard, Bakounine, Engels, qui assistent comme ça aux leçons de Schelling sur la philosophie de la révélation, qui vont d'ailleurs pas franchement enthousiasmé l'auditoire, mais les gens se disent, voilà, attention, c'est là que l'affrontement entre les deux grands courants de l'époque s'opère. Et donc Bakounine est là à ce moment-là, et donc il rencontre à cette époque-là donc les membres du milieu jeune hegelien berlinois, mais également saxon, hein, des gens comme Arnold Ruge, etc. Et qu'a-t-il retenu de Hegel, et est-ce que ça l'a inspiré dans sa philosophie, dans la philosophie qu'il va construire, ou est-ce qu'au contraire, ça l'a même un petit peu dégoûté de la philosophie, ce côté peut-être esprit, grand esprit, philosophie de l'esprit qui semble un petit peu écarter des données très concrètes, de quelque chose de très existentiel. Alors, il y a les deux, en fait. Il y a les deux aspects chez Bakounine. C'est-à-dire que, d'un côté, à cette période-là, pour lui, la philosophie s'identifie au hegelianisme. Ça, c'est très clair. Et lorsqu'il va penser sa propre sortie de la philosophie dans les années 1842-43 et sa rupture jusqu'à un certain point avec la philosophie dans ces années-là, avant d'y faire retour, mais ça, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, il va le faire dans les termes précisément d'une rupture avec le hegelianisme. Cela étant, il va conserver quelque chose du hegelianisme. Alors, au moins deux choses peut-on dire. D'une part, une pensée de la conflictualité. Alors donc dans son premier grand article qu'il publie en Allemagne qui s'intitule La réaction en Allemagne, qui est un article que j'ai traduit moi, depuis l'allemand, c'est un article où précisément il essaie de penser à partir des catégories de la logique hegelienne ce que c'est qu'un positionnement politique radical, le refus de la médiation, enfin disons de forme de conciliation dans les affrontements politiques, qui est une forme, quelque chose comme une préforme de son anarchisme ultérieur, on pourrait dire, et ça il le pense à travers Hegel, mais disons il essaie de penser au-delà de Hegel, à partir de Hegel. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis à la fin de sa vie, on retrouvera des mentions assez positives de Hegel, notamment de la logique hegelienne. Hein, c'est quelque chose qui est assez caractéristique. Alors qui est peut-être lié aussi au fait que il lit Marx, qui lui-même relie la logique de Hegel. Hein, il y a une anecdote comme quoi Marx a été en possession d'un exemplaire de la logique de Hegel qui était annoté par Bakounine. Au moment où il rédigeait le Capital, d'ailleurs. Alors, on va faire un petit bond dans le temps, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, Jean-Christophe Angot, Bakounine se lie d'abord à la philosophie, est intéressé par la philosophie, notamment par Hegel, et puis il va rompre en partie avec la philosophie, ou même carrément, il va beaucoup se politiser entre les années 1840 et 1860. À partir des années 1860, il retourne à la philosophie. Je vous propose qu'on écoute un de ses textes écrits dans cette période-là de retour à la philosophie. Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes et femmes, sont également libres. La liberté d'autrui, loin d'être une limite ou la négation de ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation. Je ne deviens libre vraiment que par la liberté d'autres, de sorte que plus nombreux sont les hommes libres qui m'entourent et plus profonde et plus large est leur liberté, et plus étendue, plus profonde et plus large devient ma liberté. C'est au contraire l'esclavage des hommes qui pose une barrière à ma liberté, ou ce qui revient au même, c'est leur bestialité qui est une négation de mon humanité. Parce que, encore une fois, je ne puis me dire libre vraiment que lorsque ma liberté, ou ce qui veut dire la même chose, ma dignité d'homme, mon droit humain, qui consiste à n'obéir à aucun autre homme et à ne déterminer mes actes que conformément à mes convictions propres, réfléchis par la conscience également libre de tous, me reviennent confirmés par l'assentiment de tout le monde. Ma liberté personnelle ainsi confirmée par la liberté de tout le monde s'étend à l'infini. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Jean-Christophe Angot, on vient d'entendre un extrait de l'Empire Knuto-Germanique à la Révolution sociale. Donc c'est un texte de Bakounine qui est paru en 1870-71. Avant d'en venir quand même au centre de ce texte qui expose ce concept clé de liberté pour l'anarchisme, déjà un petit mot sur ce titre, l'Empire Knuto-Germanique, qu'est-ce que c'est? Et puis comment en est-il venu, Bakounine, à écrire ce texte-là? Que s'est-il passé pour après avoir rompu avec la philosophie pour en venir en fait à de retour à la philosophie, à écrire ce genre de texte? Alors, peut-être sur le titre, hein, qui est un titre assez barbare, mais Bakounine revendiquait, alors c'est son côté russe aussi, revendiquait une dimension de barbarie contre une civilisation devenue stérile, hein, et estimait que c'était un peu son rôle aussi de jouer les barbares, comme ça, ou les briseurs de vitres, à nouveau. Alors que Knuto-Germanique, voilà, ça renvoie, disons, au militarisme étatique, et à l'alternative que pose Bakounine. Donc, on est au moment de la guerre franco-allemande de 1960, 70, dans les mois qui précèdent la Commune, a dit en gros l'alternative, c'est quoi? C'est ou bien le militarisme prussien mélangé avec le knout russe, hein, donc cet instrument de torture d'origine tatare, ou bien la révolution sociale. Voilà, c'est une manière de poser une alternative comme ça, claire. Alors comment est-ce que Bakounine en revient à la philosophie? Alors à partir en gros du milieu des années 1860, si on regarde un peu les manuscrits, parce que grande partie de ces textes-là sont manuscrits, Bakounine écrit, n'achève pas grand-chose, et quand il publie, en général, c'est le préambule d'une introduction, d'une préface à un grand ouvrage. Bon. Donc il n'achève rien. Il n'achève rien, parce qu'en général, ses écrits, alors ça va nous dire quelque chose de son rapport à la philosophie aussi, ses écrits naissent de la pratique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Bakounine commence à écrire un texte, c'est pour répondre à une polémique particulière. Voilà. Pour répondre à une situation historique, à une situation politique particulière. C'est vrai de son texte Fédéralisme, Socialisme et Antithéologisme, qui naît dans le contexte des débats de la Ligue de la Paix et de la Liberté. C'est vrai donc de cet empire knouto-germanique qui naît du contexte de la guerre franco-allemande. Et c'est vrai encore de ces textes La théologie politique de Mazzini, qui naît de la polémique avec le patriote italien Giuseppe Mazzini. C'est vrai donc de son retour à la philosophie. Donc il commence à écrire un texte comme ça, en général, de circonstances, qui est l'occasion pour lui de se mettre à développer ses idées. Et alors le texte prend des proportions absolument monstrueuses à tous égards, d'ailleurs formellement aussi, parce qu'il commence à faire des notes qui deviennent des textes autonomes de 30 pages. Voilà, bon, c'est il écrit un peu au fil de la plume comme ça. Et puis, en général, il est interrompu par quoi? Eh bien, par une nouvelle circonstance, par une insurrection, par la Commune, par les polémiques en Italie. Qui l'oblige à reformuler sa théorie. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Alors, c'est un peu comme ça que ça se passe avec la philosophie, c'est-à-dire que Bakounine a rompu avec la philosophie dans les années 1840. Et effectivement, il y a, alors aussi pour des raisons personnelles, il y a une rupture avec la philosophie. Il se tient éloigné de toute activité théorique aussi parce que après 48, il va passer quand même 12 ans dans différentes forteresses et en Sibérie. Donc dont il va s'évader au début des années 1860. Et quand il revient en Europe, après avoir vaguement tenté de reprendre les choses où il les avait laissées en 48, sa conversion à l'anarchisme, on pourrait dire, s'opère, même si c'est un terme un peu anachronique, s'opère au milieu des années 1860. C'est là, disons, qu'on a les premiers projets politiques, socialistes et libertaires de Bakounine. Donc c'est quelqu'un qui devient anarchiste à 50 ans. On dit parfois qu'on devrait l'être à 16 ans et qu'à 40 ans, on devrait plus l'être. Bah, Bakounine, c'est le contraire. Lui, il le devient à 50 ans. La première fois qu'il se dit anarchiste, il a 53 ans. Ouais. Quand vous dites converti à l'anarchisme, ça veut dire que c'était un courant qui était déjà là en tant que tel et qui portait ce nom-là? Alors non, précisément pas. C'est pour ça que je disais que c'est anachronique. Déjà, anarchisme, le mot n'existe pas. Et anarchiste, d'ailleurs, la première fois qu'il se dit anarchiste, il le fait dans un texte en 1867, où il prend l'orthographe an-archiste. Et en fait, c'est l'orthographe qu'avait adopté Proudhon. Donc parce que la référence pour se dire anarchiste, à l'époque, c'est Proudhon qui s'était dit en 1840 dans Qu'est-ce que la propriété, qui s'était dit anarchiste. Alors d'autres s'étaient dit anarchistes après lui, notamment Joseph Déjacques, par exemple, qui est un proudhonien dissident. Mais Bakounine reprend ce terme-là. Et à l'époque, il n'y a pas de mouvement anarchiste, à proprement parler. Le mouvement anarchiste ne va d'ailleurs ce qu'on va appeler ensuite anarchisme, ne va en fait se développer qu'après la mort de Bakounine en termes de mouvement. Alors, mais ce terme-là, c'est lui qui l'a quand même dégagé. Le terme est finalement pas si fréquent en fait chez Bakounine. Alors on peut tout à fait à bon droit le qualifier d'anarchiste, parce que d'ailleurs lui-même s'est qualifié d'anarchiste, mais il ne tient pas forcément mordicus à ce qualificatif-là. Il va lui par exemple se définir aussi souvent comme un socialiste révolutionnaire. Voilà, ce sera les deux faces. C'est quelque chose qui est intéressant parce que le terme d'anarchiste, on va dire en général, a une connotation plutôt négative, c'est-à-dire c'est une manière de se définir par un refus de l'autorité, refus de la centralisation, etc. L'autre, pour désigner positivement ce qu'est Bakounine, on va dire plutôt peut-être un socialiste libertaire, donc quelqu'un qui prétend que l'ordre social, pour être juste, ne peut s'engendrer que sur le fondement de la liberté. Voilà. Alors, ce serait ça le côté positif, donc le côté libertaire qui serait la face positive de ce qu'on appelle anarchisme. Alors est-ce que, justement, venons-en au texte sur la liberté, est-ce que cette dimension libertaire, est-ce qu'elle est si positive que ça? Parce que la liberté qu'on peut avoir en tête quand on parle d'anarchie, c'est une liberté plutôt négative, une idée de se libérer, de s'émanciper, de se dégager par l'opposition à un ordre des choses. À partir de là, est-ce que la liberté est encore positive chez Bakounine? Alors, il y a cette composante effectivement de libération. Alors, on n'a pas de texte en fait véritablement synthétique dans lequel Bakounine aurait présenté sa théorie de la liberté. C'est pas quelqu'un qui a disposé des conditions matérielles ni d'ailleurs de l'intérêt pour produire quelque chose comme une œuvre philosophique. Oui, c'est néanmoins, pas Rousseau ou Benjamin Constant qui va opposer la liberté des anciens. Ou c'est pas Marx au British Museum non plus qui a le temps de travailler. Si on regarde un peu, j'ai pu le faire un peu dans mes travaux, les différents textes dans lesquels Bakounine parle de la liberté, il y a en général trois choses qui reviennent. Il y a un fondement négatif. Un fondement négatif qui est la révolte. Bakounine d'ailleurs inscrit cette révolte quasiment dans une disposition biologique et pas seulement humaine d'ailleurs. Il dit voilà, même le ver se révolte contre le pied qui veut l'écraser. Donc ça c'est le fondement de la liberté, c'est d'abord la révolte. Maintenant, elle est révolte contre quoi ? Contre ce qui cherche à m'écraser, c'est-à-dire ce qui cherche à entraver mon développement. Et donc la liberté, positivement, elle va être quoi ? Elle va être essentiellement libre développement. Alors libre développement de ce que j'ai d'animal en moi, donc de mes facultés corporelles, mais également de ce qui est proprement humain. Et d'ailleurs dans la citation, il faut le souligner, Bakounine signale tout être humain, hommes et femmes, ce qui est loin d'être partagé par tous les auteurs de son époque. Et donc Bakounine estime que la liberté, c'est d'abord le libre développement de l'individualité, des facultés, aussi bien donc sur un plan corporel que sur un plan spirituel, d'où aussi l'intérêt qu'il a pour les questions éducatives, qui est un intérêt qu'il va partager avec le nombre de précurseurs du mouvement anarchiste. Et puis en troisième lieu, alors il a cette composante qui à mon avis est très liée à sa formation en philosophie allemande, qui est la composante de reconnaissance, parce que lorsque dans l'extrait qu'on a entendu il y a un instant, que dit-il? Il dit la liberté, autrui, loin d'être une limite à ma liberté, en est la condition, et la liberté d'autrui accroît la mienne à l'infini. Oui, et la confirmation, la condition nécessaire est la confirmation. Ouais. Alors ça, c'est une manière de s'opposer. Alors il y a une signification politique de ça, c'est-à-dire que Bakounine s'oppose au libre arbitre et s'oppose en particulier aussi à une conception, disons, libérale de la liberté, qui veut que ma liberté s'arrête ou commence celle d'autrui. Une sorte de liberté individuelle, voilà, moi, liberté envers conçue, et contre voilà, tout. Voilà, une liberté conçue sur un plan strictement individuel qui évidemment va justifier quoi ? Va justifier l'existence de l'État. Parce que si je peux faire du tort à autrui, il faut bien que l'État intervienne pour m'empêcher de faire du tort à autrui, quitte à ce que je l'autorise à venir, et donc qu'il soit une autorité patentée éventuellement par le biais du contrat social, etc. En revanche, Bakounine va dire non, en fait ça c'est une conception tout à fait mutilée de la liberté. La liberté, elle est un fait éminemment social, elle est un fait qui relève de l'interaction et de la reconnaissance mutuelle des individus. C'est-à-dire plus je suis entouré de personnes qui sont libres, plus je respire librement, plus j'ai une richesse de rapport avec autrui qui développe encore à l'infini ma personnalité. Voilà, on pourrait le dire comme ça. C'est peut-être à ça que tient aussi une sorte de mésentente ou d'incompréhension en fait de l'anarchisme aussi, cette idée que la liberté pour la liberté est forcément une liberté individuelle et que quand on veut se révolter, c'est contre les autres, contre tout et pour soi-même. Ce qui empêche de penser que l'anarchie, malgré l'étymologie qui semble indiquer qu'il n'y a pas de politique, a quand même une dimension politique. Alors est-ce que c'est encore politique ou est-ce que c'est seulement social, ou alors est-ce que c'est plus que politique, c'est social ? À vous de me dire, Jean-Christophe Angot, mais finalement, liberté dans l'anarchie ne veut pas dire individualisme. Non, alors, par ailleurs, il y a des courants individualistes dans l'histoire de l'anarchisme. C'est une question qui mériterait d'être développée un peu plus amplement, savoir si cet individualisme, il est un individualisme de l'action ou véritablement d'une conception individualiste de la liberté. Mais votre question, c'était oui sur le rapport à la politique. Liberté, à partir du moment où elle n'est pas mutilée comme il le pensait, elle a de fait pour lui une dimension effectivement politique, sociale. Alors, on pourrait dire presque une dimension anti-politique, en fait. Ça fait partie d'ailleurs du rapport compliqué de Bakounine à la philosophie. C'est quelqu'un qui remet en cause un certain nombre de catégories de la philosophie politique. Remise en cause de la notion de politique, de la notion d'État, remise en cause probablement aussi de la notion d'histoire. La liberté, elle se réalise sans doute dans l'histoire, mais essentiellement contre l'histoire, en tant que cette histoire, elle est une histoire des États, une histoire de la politique. Et elle se réalise contre la politique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il y a une disons, si on cherche à déterminer ce qui, chez Bakounine, est le concept de politique, on se rend compte que son concept de politique, il est essentiellement indexé sur l'État. Et par conséquent, lorsque Bakounine parle de faire de la politique, c'est essentiellement faire une politique négative, c'est-à-dire une politique dirigée contre l'État. En revanche, pour ce qui est de l'auto-organisation, de l'autonomie des opprimés qui doivent s'organiser eux-mêmes sans recourir à une forme d'organisation centralisée, Bakounine ne va pas employer ce terme de politique. C'est-à-dire que la politique, c'est l'étatique, et donc quand on fait de la politique, Proudhon avait une formule, mais qu'à mon avis Bakounine aurait pu reprendre à son compte, qui dit je fais de la politique pour en finir avec la politique. Voilà. La seule façon de se faire entendre, c'est de se réunir en syndicat, autonome, organisé. Ce que je vous propose, c'est d'unir nos forces pour imposer des salaires plus élevés, des salaires décents, mais on n'obtiendra jamais ce que les plus extrémistes demandent. Jamais. Ils nous discréditent. Ils nous font passer pour des ignorants. Ce qu'il faut, c'est se réunir par corporation, par métier, typographe, ferrailleur, peintre, et que chacun élise ses représentants. C'est ça qu'il faut faire. Tu prends la négociation, mais dans un an, tu nous auras tous oubliés. Dans 2 ans, tu seras au Parlement. Dans 3 ans, tu toucheras des enveloppes pleines d'argent. Ouais. Et dans 4 ans, tu voteras des lois contre nous. Moi, je dis 3 choses simples. Ne jamais négocier, ne jamais voter et prendre les armes quand il le faudra. Mais tu veux tous nous faire tuer, c'est ça ? Vous comprenez pas que vous êtes plus fort qu'eux simplement parce que vous avez faim. Ce qu'il nous faut, c'est des bons représentants au Parlement. C'est ce qu'ils font, les socialistes. Ah bon, tu trouves que les socialistes te représentent bien ? Bah ouais. Ils passent leur temps à discuter de plans d'action qui n'aboutiront jamais, mais vous le savez très bien. Quand vous votez pour eux, ou pour qui que ce soit d'ailleurs, vous votez pour ceux qui créent les lois qui protègent les riches et tuent les pauvres. Tu proposes quoi d'ailleurs ? Mais tu sais très bien ce que je propose, Victor, tu sais très bien. Arrêter les compromissions, prendre l'argent où il y en a, et se préparer au combat de rue. Bravo ! Ah ouais ! Contre cette intelligence pourrissante et mourante des classes privilégiées, une nouvelle intelligence, jeune, vigoureuse, pleine d'avenir et de vie, sans doute non encore scientifiquement développée, mais aspirant à la science nouvelle dégagée de toutes les sottises de la métaphysique et de la théologie, se réveille et se forme dans les masses populaires. Cette intelligence n'aurait ni professeur patenté, ni prophète, ni prêtre, mais s'allumant dans chacun et dans tous, elle ne fondera ni église nouvelle, ni état nouveau. Elle détruira jusqu'au dernier vestige de ce principe fatal et maudit de l'autorité, tant humaine que divine, et rendant sa pleine liberté à chacun, elle réalisera l'égalité, la solidarité et la fraternité du genre humain. Jean-Christophe Angot, on a tout d'abord entendu un extrait du film d'Elie Wajsman qui date de 2015, Les Anarchistes, et puis j'ai lu ensuite un extrait de Dieu et l'État, un texte donc de Bakounine qui date de 1871. On vient de parler de cette idée d'antipolitique, de liberté antipolitique, contre l'État, sans idée d'une organisation, contre les formes qu'on connaît habituelles d'organisation politique. Que reste-t-il en fait aux hommes pour vivre ensemble ? De quelle manière peuvent-ils s'associer ? Alors, on sait tous qu'on peut très bien s'associer à d'autres personnes sans forcément former un État et sans nécessairement constituer un parti formel. Alors, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs, par exemple, Bakounine de constituer des organisations et même des sociétés secrètes, mais qui étaient plutôt des groupes d'intimes sur le mode, disons, un peu du groupe affinitaire, parce que ça peut être aussi un des modèles, disons, que nous a légué la tradition anarchiste. Alors, ce rapport à la politique, je trouve qu'on le comprend bien à partir de Bakounine, mais à mon avis ça a des conséquences dans à peu près toute l'histoire du mouvement anarchiste, dans le rapport que Bakounine a entretenu avec Marx au sein de la Première Internationale, donc de l'Association Internationale des Travailleurs, puisque c'est, disons, très souvent à ça qu'on a résumé le conflit qui a fait éclater cette organisation, le conflit entre Marx et Bakounine, ce qui est sans doute très réducteur. Mais Bakounine s'oppose à Marx sur deux choses. D'une part, sur la finalité de l'organisation. Est-ce que cette organisation doit être une manière d'organiser la solidarité économique spontanée des ouvriers, voilà, ce qui est la position défendue par Bakounine, et donc de constituer par exemple des caisses de grève pour organiser la promotion du monde ouvrier et la défense de ses intérêts contre le patronat à l'échelle internationale, ou bien est-ce que ça doit être un regroupement de partis politiques, ce que Bakounine conteste formellement, tout en prônant le fait que ces questions doivent être débattues librement dans l'organisation. Donc, du point de vue de la finalité, Bakounine, disons, va défendre une position qui va se retrouver ensuite plutôt dans la tradition du syndicalisme révolutionnaire, même si c'est pas encore dit dans ces termes-là à cette époque-là. Et puis, il y a la question de l'organisation elle-même. Et là, Bakounine va s'opposer à Marx sur la dimension centralisée ou non de l'organisation. Bakounine va être un tenant de l'autonomie des différentes fédérations qui constituent l'international. Et là encore, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que, alors, du point de vue de l'anarchisme aussi, parce que pour l'anarchisme, c'est cette théorie qui se distingue par le fait qu'elle est aussi une manière de faire, et qu'elle cherche à mettre en accord ses manières de faire avec ses finalités. Et précisément, Bakounine estime, alors c'est un peu le sens aussi de l'extrait qu'on entendait, hein, du film. L'opposition entre deux manières de s'engager politiquement. Ouais. Avec l'idée sur laquelle, où on peut penser aussi à la précédente émission qui portait sur Lénine, un anarchiste vous dirait, quand on voit le caporalisme que faisait régner Lénine au sein de son organisation, il n'y a pas de quoi s'étonner qu'ensuite, au niveau de l'État russe, ça ait donné ce que ça a donné. C'est un peu ça la position de Bakounine, ce qui consiste à dire en fait, si déjà dans l'organisation entre nous, on n'arrive pas à faire une structure horizontale avec une libre fédération, etc., il y a peu de chances qu'ensuite, dans les finalités qu'on défend, on en vienne à défendre quelque chose qui soit de cet ordre-là. Ça veut dire qu'il faut renoncer à toute forme de traduction politique. En fait, j'emploie à dessein cette expression de traduction politique parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup actuellement face à des mouvements populaires comme, alors, Nuit debout il y a un peu plus longtemps, mais notamment les Gilets jaunes. On a beaucoup souligner le problème de ne pas trouver pour ces mouvements-là de traduction politique. Mais finalement, on peut aussi se dire que cette traduction politique, c'est un refus délibéré de ne pas prendre cette forme-là institutionnalisée, on va dire. Mais aussi, et c'est la question que je vous pose, est-ce que ce n'est pas aussi le reflet d'une désorganisation interne ou en tout cas d'une absence de consensus sur les idées à défendre? Alors, je vais pas me prononcer sur les gilets jaunes, mais disons que c'est intéressant en tout cas parce que ça résonne. Parce qu'en plus, il y a sans doute une très grande diversité d'aspirations et puis voilà, c'est to be continued. Alors traduire trahir, hein, moi j'ai un peu ça envie de partir de ça, c'est-à-dire que la traduction politique peut être aussi une trahison politique. Parce que il y a l'idée suivant laquelle la traduction politique passe nécessairement par une disjonction entre les moyens et les fins, et en particulier une étape de représentation naturellement les représentants tendent à trahir ceux qu'ils représentent, les représentés, et tendent à s'affranchir, à prendre leur autonomie par rapport à ceux qu'ils représentent, et finalement à agir en leur nom propre, éventuellement en leurs intérêts propres. Donc ça, c'est une critique qui est une critique, disons, aussi vieille que le mouvement anarchiste en fait, hein, et qu'on retrouve effectivement chez Bakounine, le refus de la représentation politique. Alors, ça ne signifie pas nécessairement le refus de la politique, c'est-à-dire qu'il y a bien se donner des objectifs politiques. Alors que ça peut être conquérir des droits, conquérir des libertés, ça peut aussi être un horizon révolutionnaire, un horizon de destruction de la domination étatique et la reconstitution de formes qu'on pourra dire politiques ou non politiques à partir de la libre réorganisation des collectivités, ce qui est l'horizon révolutionnaire de quelqu'un comme Bakounine. Bon, il y a d'autres manières aussi de l'envisager. Hein. On peut aussi envisager cette dimension antipolitique comme une dimension de sécession. Alors c'est des choses qu'on trouve par exemple chez un autre anarchiste, un Allemand qui s'appelle Gustav Landauer, mais également, je sais pas, dans le mouvement des ZAD, etc. Il y a l'idée un peu de sortir en fait, hein, non pas forcément d'aller à l'affrontement directement, même si ça peut passer par un moment d'affrontement, mais de faire sécession, de construire ici et maintenant, sans attendre la révolution, quelque chose d'autre, hein, à côté ou en dehors. Alors, il y a aussi un autre sens de la politique, c'est par exemple un sens même presque naturel de la politique. Je pense par exemple à Aristote qui disait que l'homme était un animal politique, qui a développé une vision de la politique fondée notamment sur l'idée de philia. Donc là, on retrouve effectivement une autre manière de faire de la politique que partisane ou avec une sorte de traduction politique, mais qui fonctionne par affinité. Est-ce que cette dimension-là de la politique par amitié, par affinité, est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve quand même chez Bakounine, ou alors il faut complètement abandonner ce terme de politique et puis penser plutôt peut-être celui de société à la place? Alors, si on pense dans les termes de Bakounine, très clairement, sa pente à lui va être plutôt de rejeter la notion de politique. Voilà. En tout cas, d'en faire une notion repoussoire. Alors, en revanche, ça ne nous empêche pas nous d'envisager effectivement qu'on puisse penser la politique dans d'autres termes. Alors, dans les termes de la filia. Alors, lorsqu'Aristote dit que l'homme est un animal par nature un animal politique, bon, il pense à par nature un animal qui vit dans des cités, hein, dans des polices. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est aussi cette autre dimension quand même du terme de politique. Dire, effectivement, chez Bakounine, on va plutôt avoir tendance à trouver l'idée suivant laquelle l'homme se réalise en société, se réalise dans la société. Donc, ce serait plutôt un animal social. D'ailleurs, le terme se trouve sous la plume de Bakounine. Il parle que l'être humain est un être naturellement social et que l'être humain qui vit en dehors de la société est un, alors non pas soit un dieu, soit une bête comme chez Aristote, hein, mais plutôt une brute, hein, dit-il. Ouais. Et alors, quelle différence il fait entre société et État en tant que tel, en fait ? Parce que la société semble être pour lui une organisation même presque spontanée, en fait. Ouais. C'est quasiment une formation naturelle, en fait, la société. L'homme vit naturellement en société, et les sociétés sont des formations naturelles, dans lesquelles, bien entendu, il peut y avoir des rapports de pouvoir. L'État, qu'est-ce que ça va être ? Alors, il y a tout d'abord, chez Bakounine, le constat du fait que l'État, c'est finalement une invention assez récente, en tout cas l'État moderne, c'est quelque chose qui émerge au 15e, 16e siècle, et qui émerge de quoi ? Qui émerge bien de la violence exercée par des aristocraties militaires, qui en viennent à confisquer. Alors, on a quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs chez quelqu'un comme Max Weber, hein, l'idée suivant laquelle l'État découle d'un processus de monopolisation de la violence politique devenue légitimée. C'est quelque chose que Bakounine annonce, hein, d'une certaine manière, parce que chez Weber, ce sera dans les années 1910 qu'on aura cette idée-là. Mais ça correspond tout à fait à ce que Bakounine a en vue. C'est-à-dire que l'État, c'est ce qui, dans l'histoire, monopolise la violence, et l'entoure la recouvre d'un vernis de légitimation. C'est ça l'État. Voilà. Mais est-ce qu'il a pas une vision un petit peu, angélique, naïve de l'homme naturellement bon? Ah non, alors ça c'est vrai que ça fait partie aussi des préjugés qu'on a sur Bakounine et sur l'anarchisme. C'est-à-dire que pour faire société, si on compte non pas sur des institutions extérieures pour réguler nos rapports, nos relations, mais sur nous-mêmes, c'est qu'on présuppose que l'homme est naturellement donc voué à coopérer, mais aussi naturellement d'accord pour vouer en bon terme avec l'autre. Pour coopérer en bon terme avec l'autre. Alors, ce que l'idée de Bakounine, c'est que non. Alors, il y a évidemment de l'ambition, de la convoitise, etc. Et de la violence, évidemment aussi dans l'être humain. Mais c'est précisément parce que l'être humain n'est pas naturellement bon qu'on peut pas lui confier le pouvoir. Qu'il faut absolument se garder de évacuer tout pouvoir. Voilà. Alors, en tout pouvoir. Évidemment, la notion de pouvoir, c'est une notion prodigieusement ambivalente. En tout cas, tout pouvoir stabilisé dans une forme d'autorité. Après, qu'il y ait des rapports de pouvoir, si on pense à travers la notion de pouvoir, les toutes formes d'influence qu'on peut avoir sur autrui, Bakounine ne nie pas. Alors, la domination, ce serait une forme stabilisée, éventuellement avec un élément de légitimation, voilà, dans le du pouvoir. Mais il y aura toujours sans doute des rapports de pouvoir. Le problème, c'est la fixation de ces rapports de pouvoir. Le problème, c'est l'autorité, c'est-à-dire le fait que quelqu'un soit habilité officiellement, que j'ai abdiqué finalement la responsabilité de mes actes, que quelqu'un soit habilité à me dire ce que je dois faire. Voilà. Et que d'avance, en somme, je l'ai autorisé, puisque c'est ça, une autorité, c'est ce qui a été autorisé. Donc ça c'est essentiellement ça que combat. Mais l'idée d'une bonne nature, alors ça fait partie effectivement des grands préjugés sur l'anarchisme, y compris appliqué à Bakounine, mais vous trouverez jamais un texte de Bakounine qui dit l'homme est naturellement bon. Certainement pas. Hein, bien évidemment pas. Et c'est bien pour ça qu'il faut se garder de l'autorité. Oui, mais alors il reste quand même la question de si on ne lègue pas l'autorité à quelqu'un d'autre, donc à une personne, parce que justement l'homme n'est pas naturellement bon. Alors, comment fait-on pour réguler ces rapports-là ? Ah, alors, on a plein d'exemples de la manière dont ça se régule socialement ou dans les familles, par exemple. Dans les familles, non, parce que il y a quand même les parents qui incarnent l'autorité. Il y a d'autres formes de famille quand même que la famille patriarcale, quand même. Mais j'ai pas dit le père, j'ai dit les parents. Alors, il y a une forme dans la famille, par exemple, le rapport entre les parents peut être un rapport égalitaire, par exemple. Enfin, on peut l'espérer un jour que ça se répandra. Hein. Voilà. Mais typiquement, est-ce qu'il y a forcément besoin qu'une autorité intervienne pour que cette égalité soit instaurée ? On le sait bien comment est-ce que ça s'est produit. produit. Ça s'est produit parce que, en particulier parce que le mouvement féministe a fait ce qu'il fallait pour conquérir ces formes de liberté et d'égalité. Donc ça, à mon avis, voilà, il y a pas. Et de l'avis de Bakounine, le danger en fait est plutôt du côté de la cristallisation des rapports de pouvoir plutôt que dans une histoire qui est plutôt une histoire de l'émancipation. Alors, il y a quelque chose comme un optimisme historique de Bakounine. En tout cas, il y a quelque chose comme l'idée suivant laquelle l'humanité poursuit en fait un idéal qui est un idéal de liberté et d'égalité. Voilà. Et que cet idéal, il est en quelque part transhistorique. Il y a cet optimisme-là, si l'on veut. N'en déplaise donc aux métaphysiciens et aux idéalistes religieux, philosophes, politiciens ou poètes. L'idée de Dieu implique l'abdication de la raison et de la justice humaine. Elle est la négation la plus décisive de l'humaine liberté et aboutit nécessairement à l'esclavage des hommes, tant en théorie qu'en pratique. À moins donc de vouloir l'esclavage et l'avilissement des hommes, comme le veulent les jésuites, comme le veulent les momiers, les piétistes ou les méthodistes protestants, nous ne pouvons, nous ne devons faire la moindre concession ni au Dieu de la théologie, ni à celui de la métaphysique. Car dans cet alphabet mystique, qui commence par dire A devra fatalement finir par dire Z. Qui veut adorer Dieu doit, sans se faire de puériles illusions, renoncer bravement à sa liberté et à son humanité. Si Dieu est, l'homme est esclave. Or, l'homme peut, doit être libre. Donc, Dieu n'existe pas. Je défie qui que ce soit de sortir de ce cercle. Et maintenant, qu'on choisisse. Nous en serons autant d'anarchie, les humains joyeux auront un gros cœur et légères pensées. Heureuse on saura sainte récompense dans l'amour d'autrui doubler son bonheur. Quand nous en serons autant d'anarchie, les humains joyeux auront un gros cœur. Jean-Christophe Angot, on vient d'écouter Dieu, un extrait de Dieu et l'État, donc de Bakounine, lu par le comédien Vincent Schmitt. Et là, c'est une chanson des quatre barbus. Ils ont fait tout un album sur l'anarchie. Vous connaissiez d'ailleurs cette chanson. C'est un classique de l'anarchie. C'est une sorte de classique. Ouais. C'est sur l'air du temps des cerises de Jean-Baptiste Clément. Vous m'avez dit une sorte de frère Jacques de l'anarchie. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une manière de chanter comme ça, des voix d'hommes en quatuor, comme ça. Ouais. On retrouve dans ce texte ce que vous avez dit, Jean-Christophe Angot, sur l'opposition en fait à l'autorité. C'est surtout ça en fait ce qui pose problème à Bakounine. Et on retrouve cette opposition là dans la figure des métaphysiciens, des idéalistes religieux, des philosophes, donc des politiciens, on s'en doute, mais aussi des poètes. Donc on voit bien que ce qui pose un problème à Bakounine, on l'a dit, c'est l'autorité. Mais finalement, renoncer à toute forme de discours ou peut-être dénoncer oblige à se poser la question, en fait, que reste-t-il au fond de ce que les hommes peuvent se dire? On a parlé de régulation entre eux, peut-être même de règles de justice ou même d'une forme de morale. Qu'est-ce qui va lier les hommes les uns aux autres à partir du moment où on renonce à toute forme d'énoncer, alors de dogme, mais en tout cas de discours? On renonce pas à la parole, sinon enfin ce serait on retomberait presque dans la mystique. Oui, mais on semble ne rien pouvoir dire, en tout cas, parce qu'il y a quelque chose, il y a des manières. Non, il s'oppose à des métaphysiciens, à des poètes, il s'oppose pas à la poésie, à la métaphysique. D'ailleurs, il y a des développements de Bakounine alors dans des textes de cette époque où il se place explicitement sur le terrain métaphysique et dit on va développer quelque chose comme une ontologie, comme une métaphysique, comme une cosmologie. Donc alors après, s'agissant des règles de justice, alors là encore, hein, Bakounine n'est pas un prêtre à son tour. En général il théorise des choses qui se font, il théorise des choses qui se pratiquent. Par exemple, dans le mouvement ouvrier à l'époque, il y a une pratique qui est une manière de régler les conflits qui ne recourt pas à l'autorité, qui est la pratique ce qu'on appelait les jurys d'honneur, par exemple. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste en ce que les deux parties choisissent chacune un représentant pour les défendre et se mettent d'accord sur un troisième représentant. Et donc ces trois-là, ce jury-là, trois personnes, va régler le conflit entre les deux, va faire des propositions, etc. Bon, voilà. Et puis, il y a des formes de justice qui ne sont pas des formes de justice punitive, par exemple, hein, formes de justice réparatrice, par exemple, sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Alors, c'est des choses... La pensée constructive de Bakounine n'est pas ce qui est le plus développé développé chez lui. Alors, ce sera plutôt développé chez d'autres auteurs après lui. Je pense notamment à quelqu'un comme Kropotkine, qui a beaucoup écrit sur la question de la justice, sur les questions des pratiques d'entraide. Mais il y a toutes des formes de régulation. Après tout, on n'a pas attendu l'État pour qu'il y ait de la justice et pour que les hommes régulent leurs pratiques. Alors, ça signifie pas forcément que ce sont des modèles, les formes de communauté antérieures à l'État. Mais en tout cas, on peut y trouver des sources d'inspiration et puis se dire que sans doute qu'après l'État, eh bien, il y aurait moyen de réguler les choses sans forcément faire intervenir des magistrats et des policiers. Et est-ce que on doit complètement aussi renoncer en fait à l'État ? Est-ce qu'on ne doit pas aussi avant tout le réformer et peut-être revoir justement plutôt que de renoncer à une construction ou à des figures, par exemple vous avez dit les magistrats, est-ce qu'on ne peut pas plutôt les investir d'autres missions ou revoir leur formation, revoir l'organisation ? Est-ce qu'en fait Bakounine aurait été prêt à accepter l'idée de réforme plutôt que celle de révolution ? Ça certainement pas, assurément pas. Enfin, s'il y a un trait constant dans toute la pensée de Bakounine, alors que ce soit d'ailleurs dans la période précédant son anarchisme ou la période proprement anarchiste, c'est que c'est un révolutionnaire. Voilà, donc dans tous les cas, c'est un révolutionnaire. Et donc alors c'est pas simplement une position dogmatique, c'est pas simplement lié au fait aussi que Bakounine vit au siècle des révolutions et que le modèle du changement social à l'époque, hein, c'est quand même la révolution. Enfin, on dit parfois que ces gens ont une espèce de mystique de la révolution, mais non, en fait, il y a des révolutions un peu tous les trois jours à l'époque, hein. Enfin, allez, le 19e siècle, ils les égrènent les unes après les autres. La question, c'est de savoir c'est quand la prochaine, hein. Alors, les choses sont peut-être un peu différentes aujourd'hui, quoique, on pourrait se le demander. Bah, on parle quand même, par exemple, de convergence des luttes, on repère quand même à la fois des manifestations classiques et en même temps d'autres mouvements qui émergent. Bien entendu. Et puis alors après, pourquoi l'opposition à la réforme? La position typique du réformiste, c'est de dire je vais changer les choses de l'intérieur. Une position de ce point de vue-là, la position anarchiste de quelqu'un comme Bakounine, elle a une position, disons, plutôt réaliste et désabusée par rapport à ça, qui est tu crois changer les choses de l'intérieur, c'est les choses qui vont te changer de l'intérieur. L'habit finit toujours par faire le moine. En fait, l'institution rattrape toujours bien sûr les individus. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a cette dimension-là, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qu'on pourrait aussi dire, hein, une sorte de raisonnement à l'absurde d'objecter à Bakounine, c'est que s'il ne fait pas confiance aux hommes pour gouverner, pourquoi il leur fait confiance pour changer les choses ? Alors, il fait pas confiance aux institutions, en fait, pour changer les choses. Oui, mais vous avez vous-même dit que il y a une forme de confiance dans la force collective et dans disons dans le fait que dans l'histoire il y a des choses qui ne s'oublient pas, hein, et qui éventuellement peuvent finir par faire quelque chose de cumulatif, des traditions de révolte, des traditions d'auto-organisation qui peuvent contribuer à ce que. Mais Bakounine n'est pas un optimiste historique, c'est pas quelqu'un qui dit dans l'histoire nécessairement les choses vont bien se terminer. C'est pas sûr, hein. Voilà. Donc on n'a pas le choix de toute façon si on veut sortir du marasme ambiant que de s'organiser et de chercher des raisons d'espérer et d'avoir confiance et de chercher la confiance dans soi-même. Mais en tout cas, ce remède-là, il sera toujours moins nocif que le remède de cheval de l'État qui porte avec lui des. Vous voulez dire la réforme? Alors la réforme, oui. Alors la réforme qui en général, enfin, ne conduit nulle part. Hein. Les exemples historiques sont malheureusement légion. Hein. Bon, ce sont des choses qui ont été, par exemple, qu'on pense, je sais pas, à l'histoire de la social-démocratie allemande, dans laquelle on trouvait, par exemple, des courants réformistes à côté de courants révolutionnaires. Les courants réformistes ont donné des choses assez abominables. Bon, en termes de répression, par exemple, des mouvements sociaux dans les années qu'on suivit la révolution allemande de 1918 ou même encore après, je sais pas, pensons à, je sais pas, au code du travail actuel en Allemagne, qui est lié à ce socialisme réformiste type Gerhard Schröder, etc. Bon, voilà, ça peut être une forme de vérité du réformisme. Ça, en tout cas, si on devait demander son avis à Bakounine, c'est toujours délicat de faire parler les morts, mais bon. Ouais. Mikhail Alexandrovitch Bakounine, tu lui as cherché des poux dans la tête, au maître. Enfin, c'est les autres qui disent maître. Pour moi, il n'y a pas de maître, ni de Dieu, ni de roi. Karl Marx, je ne suis pas anarchiste. Je m'en doute. Matérialiste et déterministe comme M. Marx lui-même, nous aussi nous reconnaissons l'enchaînement fatal des faits économiques et politiques dans l'histoire. Nous reconnaissons bien la nécessité, le caractère inévitable de tous les événements qui se passent, mais nous ne nous inclinons pas indifféremment devant eux. Et surtout, nous prenons bien garde de les louer et de les admirer lorsque, par leur nature, ils se montrent en opposition flagrante avec le but suprême de l'histoire, avec l'idéal foncièrement humain qu'on retrouve sous des formes plus ou moins manifestes dans les instincts, dans les aspirations populaires et sous les symboles religieux de toutes les époques, parce qu'il est inhérent à la race humaine, la plus sociable de toutes les races animales sur la Terre. Ce but, cet idéal aujourd'hui mieux conçu que jamais, peuvent se résumer en ces mots. C'est le triomphe de l'humanité, c'est la conquête et l'accomplissement de la pleine liberté et du plein développement matériel, intellectuel et moral de chacun par l'organisation absolument spontanée et libre de la solidarité économique et sociale, aussi complète que possible, entre tous les êtres humains vivant sur la Terre. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors j'aime beaucoup cette phrase, Jean-Christophe Angot, la fin de ce texte qu'on vient d'entendre, interprété par le comédien Vincent Schmitt, c'est le triomphe de l'humanité, c'est la conquête et l'accomplissement de la pleine liberté et du plein développement matériel, intellectuel et moral de chacun. C'est le but, donc l'idéal de Bakounine dans ce texte qu'il écrit contre Marx en 1872. Il y a beaucoup ce terme d'humanité qui revient, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de la semaine. Transformer l'humanité, changer l'humanité, avoir un idéal pour l'humanité, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup sous la plume de ces, peut-être pas philosophes alors, mais penseurs russes. Qu'entend-il par humanité, Bakounine, quand il écrit ça ? Alors, à mon sens, je pense que ce vocabulaire-là, c'est aussi un vocabulaire qui est très lié à l'époque. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit forcément très lié à la Russie. Les deux grandes sources philosophiques de Bakounine, lorsqu'il construit cette philosophie de la liberté indexée sur ce qu'il appelle un antithéologisme, c'est deux philosophes qui sont pas russes. Il y a un français et un allemand. Il y a d'une part Auguste Comte, qui précisément, lui, pense l'humanité alors mais comme un grand être, etc. Donc c'est un des grands penseurs de l'humanité. Mais alors, Bakounine est en désaccord profond sur les conclusions politiques du positivisme. Mais on imagine, parce que le positivisme, le gouvernement c'est la... des savants, etc. Ça, c'est quelque chose qui... Voilà, qui et puis c'est la patte des hommes qui s'institutionnalise. Bien sûr. Alors, il s'en inspire beaucoup pour sa philosophie de la religion, pour expliquer la naissance de la religion. Il reprend sa théorie du fétichisme, etc. Et puis l'autre source d'inspiration, c'est un Allemand, alors que Bakounine, alors je pense pas qu'il l'ait rencontré, mais en tout cas, c'est son contemporain en Allemagne, ce qui est Ludwig Feuerbach, donc l'auteur de l'essence du christianisme, qui pense la religion précisément comme une forme de projection inversée des idéaux de l'humanité. Alors c'est précisément ce qu'on a dans le texte dont on a entendu une lecture, c'est que ce but, alors c'est pas simplement le but de moi, Bakounine, vous voyez, c'est le but de l'histoire entendu par cette espèce de choses que les hommes poursuivent en fait dans l'histoire, qui poursuivent y compris à travers leurs idéaux religieux. D'ailleurs, hein, la religion est une transposition un peu fantasmatique de ce à quoi aspire réellement l'humanité, qui est son plein développement, son épanouissement. Et qui y aspire consciemment ou inconsciemment? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sorte de mouvement de l'histoire et là, on retrouverait une sorte d'influence d'Hegel, de mouvement de l'histoire qui dépasse les hommes? Ça, assurément. Ça, le Bakounine, pour le coup, c'est ce qui lui reste de philosophie de l'histoire. C'est que, au départ, ces choses-là sont très, très obscures. Hein, voilà. On désire sans savoir réellement que c'est ça qu'on désire. Voilà. Et puis, progressivement, alors c'est une phrase qu'on doit à Élisée Reclus, mais que Bakounine, qui était un ami de Bakounine, mais le géographe Élisée Reclus, qui dit l'humanité, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Eh bien, on a quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire qu'il y a une conscience de plus en plus grande des buts que l'on vise, et donc, eh bien, on ne le vise plus à travers de la projection d'idéaux religieux. On vise ces buts pour eux-mêmes et en s'en donnant les moyens consciemment. Et ces moyens, ce sont évidemment des moyens d'organisation. Et c'est un texte dans lequel il n'oppose absolument pas la spontanéité et l'organisation. Au contraire, c'est l'organisation spontanée. Ouais. Il y a aussi un autre texte, Jean-Christophe Angot, que j'aimerais vous citer, qui est extrait de la protestation de l'Alliance, qui date de 1871. Bakounine dit ceci. « Nul ne peut vouloir détruire sans avoir au moins une imagination lointaine, vraie ou fausse, de l'ordre des choses qui devrait selon lui succéder à celui qui existe présentement. Et plus cette imagination est vivante en lui, plus sa force destructive devient puissante. Et plus elle s'approche de la vérité, c'est-à-dire plus elle est conforme au développement nécessaire du monde actuel social, plus les effets de son action destructive deviennent salutaires. salutaire et utile. Car l'action destructive est toujours déterminée non seulement dans son essence et dans le degré de son intensité, mais encore dans ses modes, dans ses voies et dans les moyens qu'elle emploie par l'idéal positif qui constitue son inspiration première, son âme. Alors non seulement on a cette belle notion d'imagination, mais on a aussi peut-être... ce dont on n'a pas idée avec notre discussion encore, Jean-Christophe Van Gogh, cette idée quand même de détruire, renverser, mais avec quand même l'idée d'un nouvel ordre des choses. Ça n'est pas l'absence de rapport. Enfin, disons qu'il y a quand même une construction qui sera à l'œuvre. Alors, il y a une dimension. Enfin, alors on identifie souvent l'anarchisme à la destruction. Bakounine a pu lui-même donner cette image de lui-même d'ailleurs, hein, en disant oui, bon, moi j'appartiens à une génération en fait où nous on va juste détruire, mais d'autres hommes viendront après, plus frais, qui reconstruiront. Mais ce qui est d'un point de vue, disons, thématique, il y a l'affirmation très tôt d'ailleurs chez Bakounine, c'est la conclusion de son article de 1842, La réaction en Allemagne, hein, la passion de la destruction est en même temps une passion créatrice. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce texte de 71, la protestation de l'Alliance, avec cette idée sur laquelle la destruction, alors elle est d'autant plus efficace qu'elle est en fait portée par un désir créateur. Voilà. Alors, ça fait partie de ces auteurs qui pensent une forme de solidarité. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose qui hérite du hegelianisme, mais peut-être pas seulement, qui pensent une forme de solidarité donc entre destruction et création. C'est-à-dire que il n'y a véritablement de destruction et de destruction productive que sur l'horizon d'une création. Alors, c'est quelque chose alors qu'on retrouve chez des auteurs aussi différents que Hegel, mais aussi que Nietzsche, hein, par exemple. Hein. Chez Nietzsche, on a des affirmations qui sont très semblables à ça. Hein. Je ne sépare pas le dire positif du faire négatif, etc. Bon. On a ce genre de choses. Donc la destruction chez Bakounine, elle est toujours portée par par quelque chose comme un idéal, et de fait on peut dire que l'efficacité d'une action en général, elle est toujours à la mesure de l'enthousiasme que les gens y mettent. Or l'enthousiasme, il vient pas dans l'idée juste d'aller casser un abribus, hein. Voilà, l'enthousiasme, c'est parce qu'on a envie de vivre autre chose. Voilà. Mais c'est la question, enfin, pour revenir à notre tout début, et il nous reste quelques secondes, Jean-Christophe Van Gogh, c'est qu'on s'est demandé avec les Black Blocs ce qu'il y avait de bakounien ou de bakouninien dans ces gestes-là, dans ces actions-là, mais on pourrait aussi se demander inversement comment lire Bakounine pour aujourd'hui. Justement, est-ce qu'il faut garder cet enthousiasme-là sans être dans un optimisme angélique? Est-ce que ce serait ça? Oui, ce serait ça, si on veut la leçon et la sagesse du bakouninisme, on va dire. Hein, l'idée sur laquelle tout d'abord la liberté s'identifie au bien. Voilà, ça c'est une définition, hein, ce qu'il y a de philosophique chez Bakounine. Ensuite, alors s'agissant des Black Blocs, j'avais oublié que les Black Blocs, ils ont une vie en dehors de la manif. Hein, c'est quelques heures dans leur vie, la manif. Donc ils accomplissent une stratégie ponctuelle en manifestation. Ils peuvent très bien d'ailleurs ne pas l'appliquer dans toutes les manifestations. Ces Black Blocs, ils font d'autres choses en dehors de ça. Hein. Probablement, ils construisent des alternatives, ils font des coopératives. Comme les Gilets jaunes ou les zadistes? Bah oui, bien évidemment. Ouais, bien évidemment. Donc c'est ça qu'on peut garder pour aujourd'hui? Oui, très probablement. Ouais. Смите, но могучим ураганом с тобою нам осталось горевать. Но мы махнем опять с тобой цыганам, ведь не дадут они нам долго горевать. Там бубны звон, гитары звоны, пляски воли и полей. Ведь в угаре одной гитары жизнь меряют все свое. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Christophe Van Gogh. Je rappelle que donc vous êtes l'auteur de La liberté des peuples, Bakounine et les révolutions de 1848, que l'on peut trouver aux éditions Atelier de création libertaire. Je dis aussi que vous avez traduit avec Anatole Lucet L'appel au socialisme de Gustav Landauer, édition La Lenteur, c'est paru cette année. Et aussi que vous êtes... Ce mois-ci même, alors c'est tout frais. Et puis vous avez aussi traduit les textes hegeliens de Bakounine, dans Bakounine, jeune hegelien, la philosophie et son dehors. C'est aux éditions de l'ENS La Croisée des Chemins et c'était paru en 2007. Encore merci. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Isbert, Adèle Mandrette, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Isis Jourda, Jules Barbier, Vincent Schmitt à la lecture des textes, Laurence Malonda et Nicolas Berger à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui, Jacques Hubert. Les Chemins, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui chaque semaine donne la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Et demain, nous serons en compagnie de la philosophe féministe Camille Froidevaux-Métry. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter cette dernière émission sur Bakounine et toutes celles de cette semaine sur 4 philosophes ou penseurs russes en allant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, où vous pouvez aussi trouver toutes nos informations musicales et bibliographiques. Et puis aussi rendez-vous sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Et puis si vous êtes de passage à Lille demain et samedi, eh bien vous pourrez assister à 4 émissions autour de la parole et de son pouvoir. 4 émissions avec Adèle Vanrette, Parler est s'agir, Parler permet-il de guérir. Ce sera demain et samedi à Lille dans le cadre du festival Cité Philo ou dès lundi 10h sur France Culture.